Pandnamé, ou le livre des conseils de Ferid et Dinatar. Chapitre 50. De quatre défauts qu'il convient d'éviter. Abstiens-toi de quatre défauts, si tu ne veux point être consumé par une multitude de chagrins cuisants. Si tu désires passer des jours heureux et agréables, sois toujours en garde contre les mouvements impétueux de la colère. Quand les autres ne peuvent s'accommoder à ton goût, il est juste que tu t'accommodes à leurs inclinations. Mon frère, ne mets point ta confiance dans les faveurs de la fortune, souviens-toi du sage conseil que je te donne aujourd'hui. Il n'y a aucune utilité à fuir son destin, soumets-toi volontairement et de bonne grâce à tous les événements. Que ton cœur sache se passer de tout ce qui ne lui est point accordé, incline l'oreille de ton âme vers ce sage précepte. Celui qui n'est qu'un cœur avec ses amis, verra tous ses vœux couronnés d'un heureux succès. On lit dans l'Anvariso et il lit le distique suivant, « Ne te laisse pas aller au chagrin, car les chansons de la toute-puissance nous font avaler de la coupe de la fortune, tantôt le vin pur des faveurs, tantôt la lie de la vengeance. » Dans le même ouvrage, on lit aussi les vers suivants, sur le mélange constant des biens et des maux en ce monde. Depuis que la voûte céleste gouverne l'édifice de ce monde que nous habitons, personne n'a rencontré dans le bosquet de la vie la rose de la joie sans l'épine du chagrin. Dans cette prairie des siècles, on n'a jamais vu le jardin de nos jours jouir des douceurs du printemps, sans avoir à redouter les vents de l'automne. Cette inconstance de la fortune, qui doit empêcher l'homme de se laisser séduire par la prospérité, est aussi un motif d'espérance et de consolation pour le malheureux, car, comme le dit encore l'auteur de l'Anvariso et il lit, dans le désespoir il y a un grand motif d'espérance, la fin d'une nuit obscure, c'est la blancheur du crépuscule. Saad y dit aussi dans le Boustan, la vigne ne donne pas toujours des grappes vermeilles, tantôt elle donne du fruit, tantôt elle se dépouille de ses feuilles. Les hommes les plus grands sont quelquefois obscurcis comme le soleil, pour les envieux, ils sont comme une braise ardente qui tombe dans l'eau. Le soleil peu à peu se dégage des nuages, le charbon s'éteint dans l'eau sans ressources. Cher ami, n'appréhende point l'obscurité, peut-être elle recèle les sources de l'eau de la vie. Le monde, après avoir tremblé, n'a-t-il pas repris son assiette? Saadi, après de longs et pénibles voyages, n'a-t-il pas trouvé ce qu'il désirait? Ne te consume pas le cœur à cause des chagrins que tu éprouves, la nuit, ô mon frère, est grosse du jour. De là il faut conclure avec l'auteur de l'Anvariso et lit, qu'il ne convient ni de s'affliger des revers de la fortune, ni de se réjouir de ses faveurs, puisque l'inconstance est son attribut ordinaire. Le même auteur dit ailleurs, si un monde entier s'échappe de tes mains, ne t'en afflige pas, car ce n'est rien. Ne te livre pas non plus à la joie, si tu acquiers la possession de tout un monde, car ce n'est rien, puisque les biens du monde et ses maux ne font que passer, passe outre et laisse là le monde, car ce n'est rien. Chapitre 51. De l'inconstance de la fortune. Sais-tu quel est l'homme digne d'être admiré et estimé en ce monde? C'est celui qui ne craint point l'infortune et les revers. Il est rare que la fortune demeure constamment fidèle, la violence lui est naturelle, elle n'a rien de commun avec l'amitié. Recherche, au jour de ta joie, celui qui a pris part à ta douleur dans le temps de l'affliction. Si, au jour du bonheur, tu témoignes de l'affection à quelqu'un, il t'assistera quand tu te trouveras dans la peine. Si le Très-Haut t'accorde le bonheur et les richesses, garde-toi de te séparer de tes amis au jour de ta prospérité. Celui qui t'a tenu compagnie dans le temps de l'affliction, doit encore partager ta société, quand tu te trouveras dans la joie. L'auteur de l'Envarisso Eili a dit, « Quand le vent du printemps a-t-il ranimé le monde par son souffle, sans qu'à sa suite soient venues les tristes influences de l'automne. Ne te flatte pas que la fortune, comme une tendre mère, te nourrisse toujours sur son sein, l'amour lui est parfaitement étranger. C'est seulement dans l'adversité que les vrais amis se font connaître. Les écrivains orientaux ne se lassent point d'inculquer cette vérité. Parmi un grand nombre de passages que je pourrais citer, je choisirai le suivant, que me fournit l'auteur de l'Envarisso Eili. Les sages ont dit, « Quiconque n'a point de frère, est étranger en quelque lieu que le sort le place, et celui qui n'a point de fils, verra son nom disparaître des pages du temps. » Le malheureux qui manque de tout n'a rien à attendre de ses amis, disons mieux, quiconque a les mains vides, n'a point d'amis. En effet, un homme se trouve-t-il réduit aux besoins, aussitôt tous ceux qui formaient autour de lui une société unie comme les Pléiades, se dispersent et s'éloignent comme les étoiles du chariot. Car l'amitié des hommes basée d'un naturel abject n'est fondée que sur l'intérêt de leur passion, et sur les avantages temporels qu'elle leur procure. Vers. Jusqu'à ce qu'ils aient consommé tes provisions, ils s'empresseront autour de toi comme un essaim d'abeilles, mais, aussitôt que le village sera épuisé, et ta bourse aussi vite que la caisse d'un violon. Ils renonceront à ta société et à leur attachement pour toi, tu croirais même qu'il n'y a jamais eu entre eux et toi aucune amitié. Je vais te dire le vrai, ce sont les chiens du marché, ce qu'ils aiment, ce n'est pas toi, ce sont les os que tu leur jettes. Markemdanarchive.org 2021 d'après Gallica BNF FR et Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique.